Les autres convives, gens de science, comme les médecins ou revenus de tout, comme ces vieux moines qui se souciaient bien d'un habit, après avoir porté et foulé aux pieds les ornements sacrés de la splendeur sacerdotale, ressemblaient par le vêtement à d'indignes pleutres. Mais lui, Ménilgrand, était, eussent dit les femmes, adorablement mis. Comme on était au matin encore, il portait un amour de redingote noire, et il était cravaté, comme on se cravatait alors, d'un foulard blanc, de nuances écrues, semé d'imperceptibles étoiles d'or brodées à la main. Étant chez lui, il ne s'était pas botté. Son pied nerveux et fin, qui faisait dire « mon prince », aux pauvres assis aux bornes des rues quand il passait près d'eux, était chaussé de bas de soie à jour et de ses escarpins, très découverts et à talons élevés, qu'affectionnait Chateaubriand, l'homme le plus préoccupé de son pied qu'il eût alors en Europe, après le grand-duc Constantin. Sa redingote ouverte, coupée par Staub, laissait voir un pantalon de prunelle à reflets scabieuses et un simple gilet de casimir noir à châle sans chaîne d'or, car ce jour-là Ménilgrand n'avait de bijoux d'aucune sorte, si ce n'est un camée antique d'un grand prix, représentant la tête d'Alexandre, qui fixait sur sa poitrine les plis étendus de sa cravate sans nœud. Presque militaire, un haut se colle. Rien qu'en le voyant, en cette tenue d'un goût si sûr, on sentait que l'artiste avait passé par le soldat et l'avait transfiguré, et que l'homme de cette mise n'était pas de la même espèce que les autres, qui étaient là, quoiqu'il fût à tu et à toi avec beaucoup d'entre eux. Le patricien de nature, l'officier né graine d'épinard, comme ils disaient de lui dans leur langue militaire, se révélait et tranchait bien sur ce vigoureux repoussoir de soldats énergiques et excessivement vaillants, mais vulgaires et inaptes au commandement supérieur. Maître de maison, en seconde ligne, puisque son père faisait les honneurs de sa table, Ménilgrand, s'il ne s'élevait pas quelqu'une de ces discussions qui l'enlevaient par les cheveux, comme Percé enleva la tête de la Gorgone, et lui faisait vomir les flots de sa fougueuse éloquence, Ménilgrand parlait peu en ces réunions bruyantes, dont le ton n'était pas complètement le sien, et qui, dès les huîtres, montait à des diapasons de voix d'aperçus et d'idées si aiguës qu'une note de plus n'était pas possible, et que le plafond, se bouchant de la salle, risqua bien souvent d'en sauter, après tous les autres bouchons. Ce fut à midi précis qu'on se mit à table, selon la coutume ironique de ces irrévérents moqueurs, qui profitaient des moindres choses pour montrer leur mépris de l'Église. Une idée de ce pieux pays de l'Ouest est de croire que le pape se met à table à midi, et qu'avant de s'y mettre, il envoie sa bénédiction à tout l'univers chrétien. Eh bien, cette auguste bénédicité paraissait comique à ces libres penseurs. Aussi, pour s'engausser, le vieux monsieur de Ménilgrand ne manquait jamais, quand le premier coup de midi sonnait, au double clocher de la ville, de dire du plus haut de sa voix de tête, avec ce sourire voltairien, qui fendait parfois en deux son immobile face lunaire, « À table, messieurs. Des chrétiens comme nous ne doivent pas se priver de la bénédiction du pape. » Et ce mot, ou l'équivalent, était comme un tremplin tendu aux impiétés, qui allaient y bondir, à travers toutes les conversations échevelées d'un dîner d'hommes, et d'hommes comme eux. En thèse générale, on peut dire que tous les dîners d'hommes, où ne préside pas l'harmonieux génie d'une maîtresse de maison, où ne plane pas l'influence apaisante d'une femme, qui jette sa grâce comme un caducée entre les grosses vanités, les prétentions criantes, les colères sanguines et bêtes, même chez les gens d'esprit, des hommes attablés entre eux, sont presque toujours d'effroyables mêlées de personnalités, prêtes à finir toutes comme le festin des lapis et des centaures, où il n'y avait peut-être pas de femmes non plus. En ces sortes de repas découronnés de femmes, les hommes les plus polis et les mieux élevés perdent de leur charme de politesse et de leur distinction naturelle. Et quoi d'étonnant? Ils n'ont plus la galerie à laquelle ils veulent plaire, et ils contractent immédiatement quelque chose de sans gêne, qui devient grossier au moindre attouchement, au moindre choc des esprits les uns par les autres. L'égoïsme, l'inexilable égoïsme, que l'art du monde est de voiler sous des formes aimables, met bientôt les coudes sur la table, en attendant qu'ils vous les mettent dans les côtés. Or, s'il en est ainsi pour les plus athéniens des hommes, que devrait-il en être pour les convives de l'hôtel Ménilgrand, pour ces espèces de belluaires et de gladiateurs, ces gens de clubs jacobins et de bivouacs militaires, qui se croyaient toujours un peu au bivouac ou au club, et parfois encore en pire lieu? Difficilement peut-on s'imaginer, quand on ne les a pas entendus, les conversations à bâtons rompus et à vitres et à verres cassés de ces hommes, grands mangeurs, grands buveurs, bourrés de victuailles échauffantes, incendiés de vins capiteux, et qui, avant le troisième service, avaient lâché la bride à tous les propos et fait feu des quatre pieds dans leurs assiettes. Ce n'étaient pas toujours des impiétés, du reste, qui étaient le fond de ces conversations, mais c'en étaient les fleurs, et on peut dire qu'il y en avait dans tous les vases. Songez donc, c'était le temps où Paul-Louis Courier, qui aurait très bien figuré à ces dîners-là, écrivait cette phrase pour fouetter le sang à la France. La question est maintenant de savoir si nous serons capucins ou laquais. Mais ce n'était pas tout. Après la politique, la haine des Bourbons, le spectre noir de la congrégation, les regrets du passé pour ses vaincus, toutes ces avalanches qui roulaient en bouillonnant d'un bout à l'autre de cette eau table fumante, il y avait d'autres sujets de conversation, à tempêtes et à tintamarres. Par exemple, il y avait les femmes. La femme est l'éternel sujet de conversation des hommes entre eux, surtout en France, le pays le plus fat de la terre. Il y avait les femmes en général et les femmes en particulier, les femmes de l'univers et celles de la porte à côté, les femmes des pays que beaucoup de ces soldats avaient parcourus en faisant les beaux dans leurs grands uniformes victorieux, et celles de la ville, chez lesquelles ils n'allaient peut-être pas, et qu'ils nommaient insolemment, par nom et prénom, comme s'ils les avaient intimement connues. Sur le compte de qui, parbleu ? Ils ne se gênaient pas, et dont, au dessert, ils pelaient en riant la réputation, comme ils pelaient une pêche, pour après en casser le noyau. Tous prenaient part à ces bombardements de femmes, même les plus vieux, les plus coriaces, les plus dégoûtés de la femelle, ainsi qu'ils disaient cyniquement, car les hommes peuvent renoncer à l'amour malpropre, mais jamais à l'amour propre de la femme, et fût-ce sur le bord de leur fosse ouverte, ils sont toujours prêts à tremper leur museau dans ces galimafrés de fatuité. Et ils les y trempèrent ce jour-là jusqu'aux oreilles, à ce dîner qui fut, comme déchaînement de langue, le plus corsé de tous ceux que le vieux monsieur de Ménilgrand eut donné. Dans cette salle à manger, présentement muette, mais dont les murs nous en diraient de si belles s'ils pouvaient parler, puisqu'ils auraient ce que je n'ai pas, moi, l'impassibilité des murs, l'heure des vanteries qui arrivent si vite dans les dîners d'hommes, d'abord décentes, puis indécentes bientôt, puis déboutonnées, enfin chemise levée et sans vergogne, amena les anecdotes et chacun raconta la sienne. Ce fut comme une confession de démon. Tous ces insolents railleurs, qui n'auraient pas eu assez de brocard pour la confession d'un pauvre moine, dit à haute voix, au pied de son supérieur, en présence des frères de son ordre, firent absolument la même chose, non pour s'humilier, comme le moine, mais pour s'énorgueillir et se vanter de l'abomination de leur vie. Et tous, plus ou moins, crachèrent en haut de leur âme contre Dieu, leur âme qui, à mesure qu'ils la crachèrent, leur retomba sur la figure. Or, au milieu de ce débordement de forfanterie de toute espèce, il y en eut une qui parut, est-ce plus piquante qu'il faut dire ? Non, plus piquante ne serait pas un mot assez fort, mais plus poivrée, plus épicée, plus digne du palais de feu de ces frénétiques, qui, en fait d'histoire, eussent avalé du vétriol. Celui qui la raconta, de tous ces diables, était le plus froid cependant. Il était comme le derrière de Satan, car le derrière de Satan, malgré l'enfer qui le chauffe, est très froid, disent les sorcières qui le baisent à la messe noire du sabbat. C'était un certain ici-devant abbé Rognan, un nom fatidique, lequel, dans cette société à l'envers de la Révolution, qui défaisait tout, s'était fait de son chef, de prêtre sans foi, médecin sans science, et qui pratiquait clandestinement un empirisme suspect et qui sait, peut-être meurtrier. Avec les hommes instruits, il ne convenait pas de son industrie. Mais il avait persuadé aux gens des basses classes de la ville et des environs qu'il en savait plus long que tous les médecins à brevet et à diplôme. On disait mystérieusement qu'il avait des secrets pour guérir. Des secrets, ce grand mot qui répond à tout, parce qu'il ne répond à rien. Le cheval de bataille de tous les empiriques, qui sont maintenant tout ce qui reste des sorciers, si puissant jadis sur l'imagination populaire. Ce ci-devant abbé Rognan, car disait-il avec colère, ce diable de titre d'abbé était comme une teigne sur son nom, que toutes les calottes de Bray n'auraient pu jamais en arracher, ne se livrait point par amour du gain à ses fabrications cachées de remèdes, qui pouvaient être des empoisonnements, il avait de quoi vivre. Mais il obéissait aux démons dangereux des expériences, qui commencent par traiter la vie humaine comme une matière à expérimentation, et qui finit par faire des saintes croix, et des Brinvilliers. Ne voulant pas avoir affaire avec les médecins patentés, comme il les appelait d'un ton de mépris, il était le propre apothicaire de ces drogues, et il vendait ou donnait ses breuvages, car bien souvent il les donnait, à condition pourtant qu'on lui en rapportât les bouteilles. Ce coquin, qui n'était pas un sot, savait intéresser les patients de ses malades à sa médecine. Il donnait du vin blanc, mêlé à je ne sais quelle herbaille, aux hydropiques par ivrognerie, et aux filles embarrassées, disaient les paysans en clignant de l'œil, des tisanes qui tout de même faisaient fondre leurs embarras. C'était un homme de taille moyenne, demi de frigide et discrète, vêtu dans le genre du vieux monsieur de Ménilgrand, mais en bleu, portant autour d'une figure de la couleur du lin, qui n'a pas été blanchie, des cheveux en rond, la seule chose qu'il eût gardée du prêtre, d'une odieuse nuance filasse, et droit comme des chandelles. Peu parleur et compendieux quand il se mettait à parler. Froid et propret comme la crémaillère d'une cheminée hollandaise, en ces dîners où l'on disait tout et où il sirotait mièvrement son vin dans son angle de table, quand les autres lampaient le leur, il plaisait peu à ces bouillants qui le comparaient à du vin tourné de Sainte-Nitouche, un vignoble de leur invention. Mais cet air-là ne donna que plus de ragoût à son histoire. Quand il dit modestement que, pour lui, ce qu'il avait fait de mieux contre la femme de M. de Voltaire, ça avait été un jour, dame, on fait ce qu'on peut, de donner un paquet d'hosties à des cochons. À ce mot-là, il y eut un tonnerre d'interjections triomphantes. Mais le vieux monsieur de Ménilgrand le coupa de sa voix incisive et grêle. « C'est sans doute, dit-il, la dernière fois, l'abbé, que vous avez donné la communion ?» Et le pince sans rire mit sa main blanche et sèche au-dessus de ses yeux, pour voir le rognant posé maintenant derrière son verre entre les deux larges poitrines de ses deux voisins, le capitaine Rançonnet, empourpré et flambant comme une torche, et le capitaine au sixième cuirassier, travers de Montravers, qui ressemblait à un caisson. « Il y avait déjà longtemps que je ne la donnais plus, reprit le ci-devant prêtre, et que j'avais jeté ma souquenille aux orties du chemin. C'était en pleine révolution, le temps où vous étiez ici, citoyen le carpentier, entourné de représentants du peuple. Vous vous rappelez bien d'une jeune fille, d'Emévès, que vous fûtes maître à la maison d'arrêt. Une enragée, une épileptique. Tiens, dit Montravers, il y a une femme mêlée aux hosties. L'avez-vous aussi donnée au cochon ? Tu te crois spirituel, Montravers, fit Rançonnet. Mais n'interromps donc pas l'abbé. L'abbé, finissez-nous l'histoire. « Ah, l'histoire, reprit Rognan, sera bientôt contée. Je disais donc, monsieur le carpentier, cette fille d'Emevès, vous en souvenez-vous, on l'appelait la Tesson. Joséphine Tesson, si j'ai bonne mémoire, une grosse maflée, une espèce de Marie à la coque pour le tempérament sanguin, l'âme damnée des chouans et des prêtres, qui lui avaient allumé le sang, qui l'avaient fanatisée et rendue folle. Elle passait sa vie à les cacher, les prêtres. Quand il s'agissait d'en sauver un, elle eût bravé 30 guillotines. Ah, les ministres du Seigneur! Comme elle les nommait, elle les cachait chez elle, et partout. Elle les eût cachés sous son lit, dans son lit, sous ses jupes, et s'il avait pu y tenir, elle les aurait tous fourrés et tassés. Le diable m'emporte. Là où elle avait mis leur boîte à hosties, entre ses tétons. Mille bombes, fit Rançonnet, exalté. Non, pas mille, mais deux seulement, monsieur Rançonnet, dit en riant de son calembour le vieux apostat libertin. Mais elles étaient de fier calibre. Le calembour trouva de l'écho, ce fut une risée. Singulier ciboire qu'une gorge de femme, fit le docteur Bligny rêveur. Ah, le ciboire de la nécessité, reprit Rognan, à qui le flegme était déjà revenu. Tous ces prêtres qu'elle cachait, persécutés, poursuivis, traqués, sans église, sans sanctuaire, sans asile quelconque, lui avaient donné à garder leur saint sacrement, et il l'avait campé dans sa poitrine, croyant qu'on ne viendrait jamais le chercher là. Oh, ils avaient une fameuse foi en elle. Il la disait une sainte. Il lui faisait croire qu'elle en était une. Il lui montait la tête et lui donnait soif du martyr. Elle, intrépide, ardente, allait et venait, et vivait hardiment avec sa boîte à hosties sous sa bavette. Elle la portait de nuit par tous les temps, la pluie, le vent, la neige, le brouillard, à travers des chemins de perdition, aux prêtres cachés qui faisaient communier les mourants en catimini. Un soir, nous les surprîmes dans une ferme où mourait un chouan, moi et quelques bons garçons des colonnes infernales de Rossignol. Il y en eut un qui, tenté par ses maîtres avant-poste de chair vive, voulut prendre des libertés avec elle. Mais il n'en fut pas le bon marchand, car lui imprima ses 10 griffes sur la figure, à une telle profondeur qu'il a dû en rester marqué pour toute sa vie. Seulement, tout en sang qu'elle le mit, le matin ne lâcha pas ce qu'il tenait, et il arracha la boîte à bon Dieu qu'il avait trouvée dans sa gorge, et j'y comptais bien une douzaine d'hosties que, malgré ses cris et ses ruées, car elle se rua sur nous comme une furie, je fis jeter immédiatement dans l'auge au cochon. Et il s'arrêta faisant jabot pour une si belle chose, comme un pou sur une tumeur qui se donnerait des airs. Vous avez donc vengé, messieurs, les ports de l'Évangile, dans le corps desquels Jésus-Christ fit entrer des démons, dit M. de Ménilgrand de sa sarcastique voix de tête. Vous avez mis le bon Dieu dans ceci à la place du diable. C'est un prêté pour un rendu. Et en eurent-ils une indigestion, monsieur Rognan, ou bien les amateurs qui en mangèrent? Demanda profondément un hideux petit bourgeois nommé le Hay, usurier à 50% de son état, et qui avait l'habitude de dire qu'en tout, il faut considérer la faim. Il y eut comme un temps d'arrêt dans ce flot d'impiété grossière. « Mais toi, tu ne dis rien, Ménil, de l'histoire de l'abbé Rognan ?» fit le capitaine rançonné, qui guettait l'occasion d'accrocher n'importe à quoi son histoire, de la visite de Ménilgrand à l'église. Ménil ne disait rien, en effet. Il était accoudé, la joue dans sa main, sur le bord de la table, écoutant sans horripilation, mais sans goût, toutes ces horreurs, débitées par des endurcis, et sur lesquelles il était blasé et bronzé. Il en avait tant entendu toute sa vie dans les milieux qu'il avait traversés. Les milieux pour l'homme, c'est presque une destinée. Au Moyen-Âge, le chevalier de Ménilgrand aurait été un croisé brûlant de foi. Au XIXe siècle, c'était un soldat de Bonaparte, à qui son incrédule de père n'avait jamais parlé de Dieu, et qui, particulièrement en Espagne, avait vécu dans les rangs d'une armée qui se permettait tout, et qui commettait autant de sacrilèges qu'à la prise de Rome les soldats du connétable de Bourbon. Heureusement, les milieux ne sont absolument une fatalité que pour les âmes et les génies vulgaires. Pour les personnalités vraiment fortes, il y a quelque chose, ne fût-ce qu'un atome, qui échappe au milieu et résiste à son action toute puissante. Cet atome dormait invincible dans Ménilgrand. Ce jour-là, il n'aurait rien dit. Il aurait laissé passer avec l'indifférence du bronze ce torrent de fange impie qui roulait devant lui en bouillonnant, comme un bitume de l'enfer. Mais interpellé par Rancenet, « Que veux-tu que je te dise ?» fit-il, avec une lassitude qui touchait à la mélancolie. « Monsieur Rognan n'a pas fait là une chose si crâne pour que, toi, tu puisses tant l'admirer. S'il avait cru que c'était Dieu, le Dieu vivant, le Dieu vengeur qu'il jetait au port, au risque de la foudre sur le cou ou de l'enfer, sûrement pour plus tard il y aurait eu là, du moins, de la bravoure, du mépris de plus que la mort, puisque Dieu, s'il est, peut éternisser ta torture. Il y aurait eu là une crânerie, folle sans doute, mais enfin une crânerie à tenter un crâne aussi crâne que toi. Mais la chose n'a pas cette beauté-là, mon cher. Monsieur Rognan ne croyait pas que ces hosties fussent Dieu. Il n'avait pas là-dessus le moindre doute. Pour lui, ce n'était que des morceaux de pain à chanter, consacrés par une superstition imbécile. Et pour lui, comme pour toi-même, mon pauvre Rançonnet, vider la boîte aux hosties dans l'auge au cochon n'était pas plus héroïque que d'éviter une tabatière ou un cornet de pain à cacheter. Et, fit le vieux monsieur de Ménilgrand, se renversant sur le dossier de sa chaise, ajustant son fils sous sa main en visière, comme il le regardait tirer un coup de pistolet bien en ligne, toujours intéressé par ce que disait son fils, même quand il n'en partageait pas l'idée, et ici il la partageait. Aussi doubla-t-il son « hé hé ». Il n'y a donc ici, mon pauvre Rançonnet, reprit Ménil, disons le mot, qu'une cochonnerie. Mais ce que je trouve beau, moi, et très beau, ce que je me permets d'admirer, messieurs, quoique je ne croie pas non plus à grand-chose, c'est cette fille Tesson, comme vous l'appelez, monsieur Rognan, qui porte ce qu'elle croit son Dieu sur son cœur, qui de ses deux seins de vierge fait un tabernacle à ce Dieu de toute pureté, et qui respire et qui vit, et qui traverse tranquillement toutes les vulgarités et tous les dangers de la vie avec cette poitrine intrépide et brûlante, surchargée d'un Dieu, tabernacle et autel à la fois, et autel qui, à chaque minute, pouvait être arrosé de son propre sang. Toi, Rançonnet, toi, Mautravers, toi, Célune, et moi aussi, nous avons tous eu l'empereur sur la poitrine, puisque nous avions sa légion d'honneur, et cela nous a parfois donné plus de courage au feu de l'y avoir. Mais elle, ce n'est pas l'image de son Dieu qu'elle a sur la sienne. C'en est pour elle la réalité. C'est le Dieu substantiel qui se touche, qui se donne, qui se marge, et qu'elle porte au prix de sa vie à ceux qui ont faim de ce Dieu-là. Eh bien, ma parole d'honneur, je trouve cela tout simplement sublime. Je pense de cette fille comme en pensaient les prêtres, qui lui donnaient leur Dieu à porter. je voudrais savoir ce qu'elle est devenue. Elle est peut-être morte, peut-être vit-elle, misérable, dans quelque coin de campagne. Mais je sais bien que fussé-je maréchal de France, si je la rencontrais, chercha-t-elle son pain, les pieds nus dans la fange, je descendrais de cheval et lui ôterais respectueusement mon chapeau à cette noble fille, comme si c'était vraiment Dieu qu'elle eût encore sur le cœur. Henri IV, un jour, ne s'est pas agenouillé dans la boue devant le Saint-Sacrement, comporté à un pauvre. Avec plus d'émotion que moi, je ne m'agenouillerais devant cette fille-là. Il n'avait pas plus la joue sur sa main. Il avait rejeté sa tête en arrière. Et pendant qu'il parlait de s'agenouiller, il grandissait. Et comme la fiancée de Corinthe dans la poésie de Goethe, il semblait sans s'être levé de sa chaise, grandi du buste jusqu'au plafond. C'est donc la fin du monde, dit Montravers en cassant un noyau de pêche avec son poing fermé, comme avec un marteau. Des chefs d'escadron de hussards à genoux, maintenant devant des dévotes. Et encore, dit Rancenet, encore si c'était comme l'infanterie devant la cavalerie, pour se relever et passer sur le ventre à l'ennemi. Après tout, ce ne sont pas là de désagréables maîtresses que ces diseuses d'Orémus, que toutes ces mangeuses de bon Dieu, qui se croient damnées à chaque bonheur qu'elles nous donnent et que nous leur faisons partager. Mais, capitaine Maultravers, il y a pis pour un soldat que de mettre à mal quelques bigotes, c'est de devenir dévot soi-même, comme une poule mouillée de Pékin quand on a traîné le bancal. Pas plus tard que dimanche dernier, où pensez-vous, messieurs, qu'à la tombée du jour j'ai surpris le commandement Ménilgrand ici présent ? Personne ne répondit. On cherchait, mais de tous les points de la table, les yeux convergeaient vers le capitaine Rancenet. Par mon sabre, dit Rancenet, je l'ai rencontré. Non pas rencontré, car je respecte trop mes bottes pour les traîner dans le crottin de leur chapelle, mais je l'ai aperçu de dos qui se glissait dans l'église, en se courbant sous la petite porte basse du coin de la place. Étonné, ébahi, et sacrebleu, me suis-je dit, ai-je la berlue ? Mais c'est la tournure de Ménilgrand, ça. Mais que va-t-il donc faire dans une église, Ménilgrand ? L'idée me regaloppa au cerveau de nos anciennes farces amoureuses avec les satanées béguines des églises d'Espagne. Tiens, fige, ce n'est donc pas fini. Ce sera encore de la vieille influence de Jupon. Seulement que le diable m'arrache les yeux avec ses griffes si je ne vois pas la couleur de celui-ci. Et j'entrai dans leur boutique à Metz. Malheureusement, il y faisait noir comme dans la gueule de l'enfer.